Et si ma bouche t'a blessé, laisse-moi te réconforter avec mes bras. Je te dis rien, je te blesse. Je veux te soigner, mais toi tu ne veux pas. Et confiance, moi je suis pressé. Laisse-moi te soigner, je sais où t'as mal. Où t'as mal. À tout doux, laisse-moi être pensement. Je sais où t'as mal. À tout doux, je sais que tu penses à moi. Ce que je pense, c'est ce que je ressens pour toi. Je n'ai jamais pleuré pour un autre. Donc si je pleure, c'est seulement pour toi. Tu penses que j'ai tort, mais chacun s'entend. Ne l'oublie pas. N'oublie pas quand t'as tort. Je te laisse du temps, donc ne m'oublie pas. Mais parfois, je suis blessée. Tu vois ce que je veux dire, mais tu n'entends pas. Si ma bouche t'a blessée, viens poser dans mes bras. Watching you for a minute, this enticing. You're the one I wanna see. Sometimes I'm curious. Too many girls in the party. Too many shots, I need a driver. I gotta find her. All girl freaky, freaky, freaky. That girl freaky, freaky, freaky. Shenyang freaky, freaky, freaky. Of them I wonder who I teach me. Said them love for me. freaky, freaky. All girl freaky, freaky, freaky. Come for that freaky, freaky, freaky. Yeah. Too many girls in the party. We got London on the track. Ouais, les piquets, mais elle me dit, fais trop la star. Les pis trois fois canon et ton portement star. Ouais, persuadé que je suis les genres de négro pas stable. J'suis prêt à t'emmener en Italie juste pour des pastas. Ouais. T'es pas comme les autres, toi, faut un boulot précis. J'suis pas du genre à lâcher, surtout quand j'apprécie. Miroir, miroir, qui est la plus canon, c'est toi. Ouais, il me faut juste ton numéro dans mon phone et c'est carré. Bébé, va t'habiller, laisse-moi t'emmener quelque part. Tu vas rentrer comme Neymar. Bébé va t'habiller, laisse-moi t'emmener quelque part. Yeah. Tu vas rentrer comme Neymar. Yeah. Il manque toi dans ma vie. S'il faut, j'irai mollo. Jamais je ne serai ton ami. Je préfère rester solo. Il manque toi dans ma vie. S'il faut, j'irai mollo. Jamais je serai ton ami. WhatsApp, j'ai la vision de ton bikini avec les deux pieds dans le sable. Moitié gentleman, j'ai dire s'il te plaît, même dans le sale. Laisse-moi croquer, croquer dans ton corps comme dans la pomme d'Apple. Donne-moi ton feu vert, crois-moi, tu seras pas déçu. Je peux même m'asseoir face au daron pour lui demander l'exclu. Hey, oublie ce qui s'est passé avant que je débarque. J'ai les clés pour qu'on aille dîner au milieu du parc. Baby, va t'appuyer, laisse-moi t'emmener quelque part. Yeah. Tout va rentrer comme Neymar. Baby, va t'appuyer, laisse-moi t'emmener quelque part. Yeah. T'es comme Neymar, oh. Il manque toi dans ma vie. S'il faut, j'irai mollo. Jamais je ne serai ton ami. Je préfère rester solo. Il manque toi dans ma vie. S'il faut, j'irai mollo. Jamais je serai ton ami. Je préfère rester solo. Question, pas de question. Oh, tous les hits numéro 1. Numéro 1. Chata. Le faire sur Windows Shop, elle smoke la weed comme Wiz Khalifa. Tu m'as envie d'avoir des love affaires, mais je veux pas rester locataire. Elle connaît mon G-A-N-G, suis-moi dans ma fast life. T'es relou, mais les autres font pas le poids. J'espère que t'as compris la phase là. T'es ma black widow, ma baby mama. T'es ma locomotive, chouchou, baby toutou. Dans des galères pour you, Charlotte. Rêve d'un doudou, pas d'un toutou, tout le monde. T'es ma locomotive, chouchou, baby. T'es trop mimi, tu m'intimides. Ton cœur bleu pèse des milliers.

c'est tout moi. Si je peux avoir un forfait mobile avec internet encore plus rapide, je fonce. Chérie, t'as vu, les nouveaux forfaits 5G de SFR sont en Guyane. Top ! Avec un débit plus puissant pour télécharger mes musiques plus rapidement, mes fichiers, mes vidéos. Et même regarder nos films en streaming de façon plus fluide, c'est génial. Tu vois, la 5G chez SFR, ça donne grave le sourire. Top départ avec SFR. Profitez maintenant de la 5G en Guyane. SFR, soyez vous. Réseau 5G en cours de déploiement avec offre et terminal compatible. Détails et couverture sur SFR. Énergie vous offre un voyage en eau très profonde avec Jason Statham. En ce moment, gagnez vos places et plongez en eau très trouble. On détecte une suractivité aquatique à 8000 mètres de profondeur dans la fosse. Ça grouille de mégalodons. On n'avait jamais vu ça. Ils chassent en meute. Préparez-vous. Barracuda. À une grosse décharge d'adrénaline avec Énergie, la radio numéro 1 sur le cinéma. Qu'est-ce que tu bois ? Le nouveau jus Caresse Guyanaise Tropical Green. Caresse Guyanaise Tropical Green ? Mais oui, on m'a dit qu'il était délicieux. Tu peux le dire. Un cocktail de fruits gorgé de soleil avec de l'eau de coco, c'est bon et très rafraîchissant. Et alors, tu me le fais goûter, ce nouveau jus Caresse Guyanaise Tropical Green ? Oups, j'ai tout bu. Mais ouvre le réfrigérateur, il y en a un autre. C'est trop bon. Ah, Caresse Guyanaise, à s'annuler. Il y a du nouveau en Guyane. Abbé Fosse lance sa campagne Assainissement pour tous avec la fosse septique renforcée UpurBlock. Solide et testée par des professionnels, elle sera adaptée à vos projets de construction et de rénovation. La fosse septique UpurBlock est en promotion à partir de 800 euros. Abbé Fosse, c'est aussi les microstations en polyester sans épandage à partir de 5200 euros. Les bacs à graisse à partir de 200 euros et les pompes de relevage à partir de 99 euros. Dès maintenant, prenez rendez-vous chez nous pour vos vidanges et entretiens de fosse septique au 1035 à Route de Baduel à Cayenne ou par téléphone au 06 94 23 40 40. Envie d'évasion Brésil. Avec Avas Voyage, envolez-vous pour Belém. Belém, c'est le shopping, le marché de Vero Pesso, les Churrascarias, les docks et bien d'autres choses encore. Avec Avas Voyage, votre billet Cayenne-Belém est à partir de 399 euros. Réservez vite pour bénéficier de ce tarif exceptionnel. À vous le Brésil avec Avas Voyage. N'attendez plus et venez découvrir nos différents séjours dans vos agences Avas Voyage. Ou appelez dès maintenant au 0810 888 973. Tarif sous réserve de disponibilité, voire date et conditions d'agence. Possibilité de règlement 2, 3, 5 et même 10 fois avec la carte Avas Voyage. Demandez-la, elle est gratuite. Avas Voyage, initiateur de bonheur. Oui, mais moi, ce que je trouve génial au sein du couple, c'est l'indépendance. T'imagines, t'as pas besoin de te prendre la tête pour caler tes horaires sur ceux de ton mari, tes déplacements sur ceux de ta femme. Bref, un couple qui a pris en seconde voiture une Renault Clio à 299 euros par mois, quoi. Exactement. Waouh. On est vraiment fait l'un pour l'autre, chérie. Renault Clio à partir de 299 euros par mois avec 4 ans de garantie et d'entretien inclus grâce à l'offre Tech & Go. Le compromis charmant est encore accessible. Mais pas pour longtemps. Alors profitez-en chez Renault by Guyane Automobile, Matoury, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni, uniquement. LLD de 49 mois, premier loyer de 1000 euros. Réserve aux particuliers. Pensez à covoiturer. La ville de Cayenne vous convie au Podium Vacances le mercredi 2 août à la Cité Pasteur. Le mercredi 9 août à la rénovation urbaine et à la Journée internationale de la jeunesse. Le samedi 12 août à la Place des Palmistes. Au programme, tournoi sportif, initiation au parcours et à la boxe anglaise. Jeux de société et de nombreux défis ainsi qu'un plateau artistique de folie. Black Yana, Nico, Lovadja, Sherry Groove, Stom Latrell, Authentic Voice et bien d'autres. Pour plus d'infos, rendez-vous sur ville-cayenne.fr. Mégabœuf, boucherie, charcuterie, traiteur, c'est vous qui en parlez le mieux. Plus qu'une boucherie avec de la vraie et savoureuse viande locale. Une charcuterie au goût authentique réalisée sur place. Moi, je reçois ce soir et comme Mégabœuf est aussi traiteur, je vais régaler mes amis avec leurs plats cuisinés à base de bons produits du terroir. Pour toutes les occasions de votre vie, mariage, anniversaire, Mégabœuf, au service de votre régal. Mégabœuf, boucherie, charcuterie, traiteur, route de Montabeau, à Cayenne. Jeudi 10 au dimanche 13 août 2023, la ville de Saint-Laurent-du-Maroni vous invite à participer nombreux à sa grande fête patronale. Le thème cette année, ma ville, mon patrimoine. Ma ville, mon patrimoine. avec au programme des soirées culturelles, l'élection de la Miss et du Mister Saint-Laurent-du-Maroni, l'élection de Miss Ronde et de Mister Ronde de Saint-Laurent-du-Maroni, des balles populaires, couricolores Maroni, des jeux et animations sportives. Ma ville, mon patrimoine. Donc, à vos agendas et rendez-vous du jeudi 10 au dimanche 13 août 2023. Toute la population guyanaise est conviée à la grande fête de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. C'est encore le mois de la chance chez Conforama. Oui, le mois qui vous permettra de gagner un superbe gaufrier Séverin, 1200 watts, plaque anti-adhésive, nettoyage facile et rapide, thermostat réglable avec voyant lumineux permettant de contrôler la cuisson à la perfection. Le gaufrier idéal pour les petits déjeuners de la rentrée, à remporter par jeu concours en vous inscrivant sur le site ou la bande située à l'entrée du magasin Conforama de Cayenne. Avec Conforama, chaque mois est une chance. Conforama, Cayenne, Saint-Laurent. Et payez vos achats en 5 fois sans frais du 19 août au 17 septembre. London. Another manga. Money pass your papa. Wait till you want way I know feel do for you. Why you want the boogan one? Share you be kiss than any. You better drop your body and move sucker. Suffer with this body. Make we run, I'm on a low key. Baby, you know me. They get a sicko move where you know go green. Come make a drive your come make a drive this so jalo. Baby, allow me. See body, oh, see body, oh, see body, oh, see body, oh, see body, oh, see body, oh, see body, oh, see body, oh, see body, oh, see body, oh, see body, oh, see body, oh, see body, oh, see body, oh, money pass your papa. Wait till you want way I know feel do for you. Why you want the booger one? Share you be kiss than any. You better drop your body and move. You to the phone with this love for facing baby and lend me, lend. Yeah, get the bounce for you. You want the do like say night I know the end. You to the steep the do like say your waist know the end. Know the bend. Yeah, follow my command. Like I do, baby, front and back. Give me boom, back, I won't be so cold. Suffer with this body. Make me run, I'm on a low key. Baby, you know me. They get a sicko move, where you know go free. Come make a drive your come make a drive this on jalo. Baby, allow me. Tip you off with the allow. Come here, wait, see the water you. Green body make I rock. I know you seen on me. I get the money pass your papa. Wait till you want way I know feel do for you. Why you want the booger one? Share you be kiss than any. You better drop your body, I'm on sucker. Suffer with this body. Make me run, I'm on a low key. Baby, you know me. They get a sicko move where you know go green. Come make a drive your come make a drive this one jalo. Yeah. juste avec plus de bijoux. Et depuis un bon moment, je vois tous les vautours qui tournent. Nickel ou Uno, comment fait-il sans les radios? Nickel numéro Uno. Qui sont les vrais et qui sont les faux? Qui tend la main et qui est manchot? Faut la vieille vie dans le bendo, le cœur en miettes comme Moncho. Heureux celui qui connaît ses défauts. Celui qui connaît ses défauts, pour ça que je suis le goat. Big boss, non pas qu'à parler en long. Dictature comme à l'époque de Death Row. Beaucoup de moutons, un seul goat. C'est normal. Cœur rempli de cicatrices, comme le dos de Cyparis. J'ai dû maquiller mon mal à vivre. Euthanasie ou cannabis. Éteins mon fils, remplis ta valise. J'finirai par ma vie à Paris. Pas été sûr, j'vous fais à l'abri. Tant de tralala et tant de tralali. Entre les procès et maladies, y'a que le fond du cœur qui compte dans la mise. Car on n'achète pas le paradis. Y'a que le fond du cœur qui compte dans la mise. Car on n'achète pas le paradis. C'est la vérité, pas on m'a dit. C'est moi le code, c'est moi le fait. Big boss, non pas qu'à parler en long. Dictature comme à l'époque de Death Row. Beaucoup de moutons, un seul goat. C'est non mort. Sur les épaules du rapporté, mais ça va. Je me suis déjà sauvé du pays, faudrait que je pense à moi. La gueule, dis-moi, c'est comment? Ils prennent les gens pour des cons. La vie de ma mère, c'est pas comme ça. Électrique, je refais la déco. Je voulais tout, tout de suite maintenant. Pourquoi je vais l'avoir demain? Question de comportement. 18 à minuit, je fais demi. Et maman s'inquiète beaucoup. Et papa ne dit plus rien. Des millions, la corde coup. Je crois tout ça, ça rime à rien. Je vais acheter plusieurs calibres. Mes amis seront mes shooters. Mais bon, vaut mieux chuchoter. Les murs écoutent à toute heure. Everyday, toi t'es pas là, gros. Je sais pas, tu parles de quoi. Je sais pas, tu parles de qui. J'espère que tu parles pas de moi. C'est pas joli, joli, je crois qu'il mange là. Ton star en trois, plein de soucis, mais je suis là. Ton star en trois, plein de soucis, mais je suis là. Une fois devant, dis-moi, on fait comment? Cœur au garage accidenté, je dois le réparer. Une fois que t'as tiré, puis rechargé, c'est plus pareil. Oh là là, c'est plus pareil. Dis-moi en fait, meneur de jeu, je sors à la deuxième, numéro 10. Démarre en troisième, très peu d'acquittés vers chez moi. Très peu d'acquittés vers chez moi. Trop de bénéfices, je fais que des AR, ça peut t'allumer vers chez toi. Les keufs nous pissent, y'a des affaires, à des prix dérisoires. Souvent plus tard, demande à tout, ça claque des lards à Monaco. J'suis dans le 8ème, visère la coke. Mec du 9-2, on a la cote. J'ai mon broly, j'peux pas douter. J'ai mon broly, j'peux pas douter. J'parle en nous, tout écouté. Et mon refrain va pas douter. C'est pas joli, joli, je crois qu'il mange là. 11-43, plein de soucis, mais je suis là. 11-43, plein de soucis, mais je suis là. Une fois devant, dis-moi, on fait comment? Cœur au garage accidenté, je dois le réparer. Une fois que t'as tiré, puis rechargé, c'est plus pareil. Oh là là, c'est plus pareil. Hey, dis-moi, on fait comment? C'est la G, c'est la Gold, c'est Nanterre. Dis-moi, on fait comment? Énergie. Énergie. Énergie. Tous les jours. tous les hits. Tous les hits numéro 1. À ce qu'il paraît, je suis de mauvaise foi. Oui, alors, promesse sur promesse, toi t'es dans ça. Mis à mort, tout le monde nous dit que ça le fera pas. Oui, alors, nos histoires ne les regardent pas. Mis à mort, loin des rages, vas-y, viens, on taille dans le piano. Vitre teintée, on fera nos pailles, oui. Et alors, on se fait du bien, on se fait du mal. Mis à mort, ils portent l'œil, je les vois même pas. Et alors, ouais, qu'on les rend fous, j'avoue. Ils font que peinard, tous les jaloux. Ouais, qu'on les rend fous, j'avoue. Ils font que peinard, on trace la route. Let's go. Bébé, ça jamais de jouer les jolis cœurs. Même quand on se bout, tu restes mon joli cœur. Bébé, ça jamais de soigner toutes mes peurs. Jamais. J'aime quand tu me fais ton regard de mannequin. Let's go. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Personne en face, je les entends dans mon dos. Qu'à toi que je donne mon temps, t'es El Mundo. Y'a que toi. Ils feront l'impossible pour nous séparer. Sans effet, je suis ton ombre et toi, t'es ma lumière. Mes repères. Allô, allô, y'a des échos. Ils veulent ma place, ça c'est mort, non, non. À part moi qui peux t'assumer, bébé, non, pas les. Laisse-les dans tes DM, donne-moi la mano. Oh, non. Je m'en fous, j'avoue. Il faut que pénard, tous les jaloux. Là qu'on les rend fous, j'avoue. Ils font que peinard, on trace la roue. Bébé, ça jamais de jouer les jolis cœurs. Même quand on se bout, tu restes mon joli cœur. Bébé, ça jamais de soigner toutes mes peurs. J'aime quand tu me fais ton regard de mannequin. Let's go. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Bébé, ça jamais de jouer les jolis cœurs. Même quand on se bout, tu restes mon joli cœur. Bébé, ça jamais de soigner toutes mes peurs. J'aime quand tu me fais ton regard de mannequin. Let's go. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Ready for the thumping, ready for the thumping. Bad, bad girl, step out, I'm stunting. Queen, my thighs them tick like pumpkin. Look pal, me big body jumping. My money tick like a caramel dumpling. Remix style of the vocal range. Black and beautiful, so me not play. Me no free, me no chatter, me no eye girl. Me money make a girl act suicidal. Girl fake, like me weave them. Oh Lord. Girl say she bad, me no believe them. Rich, watch how me a beat them. Chanel, Fendi, me Louis V them. Location a change and the money me a on. First class up front, it a lip a gal a grun. Me bank account fatter than my front. We all damn bad, stunting. Them gal a say we sweet like pumpkin. True, we Kyle them tick like dumpling. Kyle them tick like dumpling. All damn bad, stunting. Them gal a say we sweet like pumpkin. True, we Kyle them tick like dumpling. Kyle them tick like dumpling. Big blazing and blunting. Make way for the big truck shunting. Step steadily we boom boom hunting. Now no time for the wine or the gunting. Yeah, hear me mighty, I just funting. Run the girl, them water like fountain. From them sitting it pop up like a mountain. Climb to the peak, no rerouting. Me love kinny girl and me love plumping. Anyone I wanna come give me something. On a day now we eat now munting. Guarantee hear me a giddy girl pumping. See then when the sound start jumping. Girl them a flip it and a dip it and a run thing. See then when the vibe get drunking. Girl want see the color look and the dumpling. Bang, bang, bang. We all damn bad, stunting. Them girl a say we sweet like pumpkin. True we Kyle them tick like dumpling. Kyle them tick like dumpling. All damn bad, body jumping. Action ready for the thumping. Fresh like Portland, eh? Trophy just cast at the Portland, eh? Just calculate the total. Now the money make me get antisocial. Run straight like my pants them. Oh lad, cause they got the weed and the blem. Gyal a come cross, bring a friend. And them a feel like for me friend them. Boom boom zoom, see that pull up the yeng yeng. Warnings, paint tone, cheng cheng. We no do chatty chatty big friend. Antarad, when you see the text them. We all damn bad, stunting. Them gyal a say we sweet like pumpkin. True, we kyle them tick like dumpling. Kyle them tick like dumpling. All damn bad, stunting. Them gyal a say we sweet like pumpkin. True, we kyle them tick like dumpling. Kyle them tick like dumpling. Ce soir c'est nuit blanche mais dans ma tête les envies sont noires. Et je ferai en sorte que chaque étape laisse des bons souvenirs dans ta mémoire. Oh, oh, oh, oh. Depuis le temps que j'attends ça, aucune chance que je te déçois. Tous ces désirs que j'ai en moi, tous des sens, tu les perçois. Et quand je te serre dans mes bras, c'est tout mon corps qui est dans mes mains. Mon corps contre ton corps. Moi et dit jamais, yeah. Laisse-moi t'emmener dans une autre dimension. Mon nom sera gravé à jamais dans ton cœur. Laisse-moi t'emmener dans une autre dimension. Dans les yeux, plus besoin de mots. L'eau de ta voix sur mon flot montre combien c'est chaud. Je connais tes points sensibles comme les notes sur mon piano. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Pas de fausse note, pas de fausse note. Depuis le temps que j'attends ça, aucune chance que je te déçois. Tous ces désirs que j'ai en moi, tous tes sens, tu les perçois. Et quand je te serre dans mes bras, c'est tout mon corps qui est dans mes mois. Mon corps contre ton corps. Moi et dis jamais, yeah. Laisse-moi t'emmener dans une autre dimension. Mon nom sera gravé à jamais dans ton cœur. Laisse-moi t'emmener dans une autre dimension. Salon mourra magie, on la rigue qui a Cayenne pour vous. SLM papi toujours gasse au bête. T'as des poutons pas au folar, il faut pas t'enveiller, ça fait moun. Ouais, t'en risques prendre d'elle. A poussa mou les mou mini, ke mou gonna ba mou belly, wa yo min. Pièce moun pas de tout ne victime, pas tout inga y ka gen crime. Party a hot, wayan ya fix up, so platin comme d'hab. Everything up, non nous pas j'en bouge flat. Mou gen mou micro, fa mou jean, ke mou 45 comme d'hab. C'est la guia chaud, c'est pas dans la ka wine up. C'est qui passe toujours gagne des venus son. Normal, là yo when you be, j'ai plein number 2. Passe ici à nous number 1. Party a hot tous les week-end. Brian got full of the brand new song. Jiggy, now you when you be just play number 2. But say easy, I'm the number 1. A lot of ways in love, a the yacht step up. Ça veut y'a pas plan, là tout en défaut. C'est gal happy like Eva, c'est bad boy à chaud. Tu le savais que qui bat gal, y'a qui bat boom. Now I'm on your back, c'est là. Adiat, c'est pas. Ça veut y'a pas plan, là tout en défaut. C'est gal happy like Eva, c'est bad boy à chaud. Pas à Brian qui pas plan. À tous les week-ends, c'est bad gal à tous les week-ends. Et là tout en défaut plan, Wakama nous va to city. Turn up the brand new sun. C'est là qui a chaud, c'est bad gal à ka wine up. C'est qui va, c'est toujours gagné. Burn you song, normal. Hey yo, when you be she play number 2. But say easy, you are no number 1. Party a hot to the weekend. Brian got full of the burn you song. Jiggy, hey yo, when you be she play number 2. But say easy, you are no number 1. No just pull up off a party, ya. Pose a crevy, I full stay balance, ya. Party, ya, mem full up, can a name. Mo a top shot about mo Yankee Mafia. Keep a new pop champion, and let's see Marie-Jeanne. Avant, nous tous réveillons for parking, ah. Jiggy, 230 ans, les périphas. RS3 pour réveiller, vent, on se party, ya. Mo daddy hot tous les week-ends. Mo bad girl hot tous les week-ends, too. Et là, tout en défaut plan, Wakaman in a the city. Turn up the brand new son. C'est daddy a show, c'est bad girl like a wine up. C'est qui passe toujours gagne. They burn you song. Normal. Now you when you be she play number 2. But say easy you are no number 1. Party a hot to the weekend. Brian can pull up the burn you song. Jiggy. Now you when you be she play number 2. But say easy you are no number 1. La Guyane en zone rouge. Jiggy toujours gagne man. Hey, tu cherches un truc fun pour nos pauses? Absolument! As-tu déjà goûté le Fanta? Fanta? Ça sonne bien, c'est quoi? C'est la boisson qui apporte une touche de couleur à tes instants de détente. Il y en a pour tous les goûts. Fanta orange, Fanta exotique et Fanta campagne. Waouh! Ça donne envie de toutes les essayer. Chacune offre une explosion de saveurs fruitées et rafraîchissantes. Fanta, une dose de fun pour les pauses en couleur. Pour votre santé, bougez plus. Tu sais quoi? Wheezy a 4 ans. Et attends, on a un cadeau hyper cool spécialement pour toi. Ouais, toi, Wheezy te propose une promo de malade. Pour seulement 9,99€, on te file 150Go avec des appels illimités. Alors écoute bien, tu as juste à aller sur l'appli Wheezy, commander ta carte SIM et boum, en 3 petites minutes, tu l'actives. C'est pas génial ça? Tu vois, Wheezy a 4 ans, on est plus easy que jamais. Offre valable du 31 juillet au 16 septembre. Voir conditions sur Wheezy.fr. Wheezy Life. Easy Life. Go, go, go, you go. Sonia loue une grande berline tout confort, climatisée bien sûr, pour la virer en famille avec les enfants. Thomas, lui, prévoit de réserver une petite citadine ultra pratique pour ses déplacements professionnels. Avec You Go, à chacun sa formule. Tout le monde trouve son bonheur parmi la flotte de véhicules à la location. Retrouvez votre agence You Go, 2434 route de Baduel à Cayenne, en face du chemin Saint-Antoine. Go, go, go, you go. Carrefour Matoury et Carrefour Contact récompense votre fidélité. Découvrez notre sélection de 4 pages marque Carrefour à prix fidélité. Vous pouvez cumuler jusqu'à 44€ en smart cash sur votre application. Profitez-en, c'est également la foire au rhum dans vos magasins Carrefour, avec une large sélection de rhum des Antilles et Guyane à prix bas. Catalogue la quinzaine Carrefour du 1er au 13 août. À retrouver sur votre application Carrefour Matoury et Contact. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Tu connais la nouvelle façon de se déplacer moins cher? L'appli Ennoualé. Je l'ai déjà téléchargée. Conducteur, passager, partagez votre voiture et économisez en réduisant vos frais. Le covoiturage, c'est convivial, économique et mieux pour l'environnement. Avec Ennoualé, déplacez-vous comme vous voulez. Rendez-vous sur le site ennoualé.com et téléchargez l'application Ennoualé sur Apple Store et Google Play. Ennoualé, enfin une solution pour se déplacer tous les jours pas cher en Guyane. Les passagers à destination des petits prix sont priés de se rendre au Leader Price le plus proche. Pour ces vacances, ne cherchez plus. Partez destination Leader Price pour profiter des prix incroyables du moment. Du 2 au 13 août 2023, le pack de bière Heineken 12 x 25 centilitres est à seulement 11,85€, soit 3,95€ le litre. Oui, 11,85€ le pack de bière Heineken 12 x 25 centilitres. Leader Price, le moins cher. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bientôt les grandes vacances au pays. La ville de Cayenne et ses partenaires vous proposent un programme riche et varié du 8 juillet au 12 août. Podium Vacances, Cayenne Beach Village, Cayenne Garden Vacances, Journée internationale de la jeunesse, mais aussi ateliers pays, visites guidées et découvertes des îles. De nombreuses activités culturelles et sportives au sein des quartiers. Cayenne Piscine Quartier, initiation au parcours, ateliers, jeux, de quoi remplir votre agenda des vacances. Plus d'infos au 05 94 25 21 91. De quelles pièces avez-vous besoin pour votre auto ou pour vos engins de chantier? Des flexibles hydrauliques? Ça tombe bien, ils sont en promo chez Gekip. Alors venez vous équiper. En août, Gekip vous offre 30% de remise sur tous les flexibles hydrauliques. Gekip, c'est votre spécialiste auto pour particuliers et professionnels en Guyane. Route de Rabban, lotissement Calabé à Cabassou. Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 en continu et le samedi de 8h à 12h. J'équipe. La ville de Kourou vous informe. Ne manquez rien des actualités de la ville la plus dynamique de la Guyane. Retrouvez tout Kourou en ligne sur le site internet www.ville-kourou.fr et sur les réseaux sociaux. Actualités, démarches, agenda, infos sur les prochains événements, horaires de vos services municipaux. Rendez-vous vite sur www.ville-kourou.fr, mais aussi sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube pour découvrir ou redécouvrir nos vidéos, articles, photos et interviews. La ville de Kourou, accessible en ligne 24h sur 24 et partout où vous vous trouvez, c'est sur le www.ville-kourou.fr et sur les réseaux sociaux. Dans une démarche éco-responsable et de préservation de l'environnement, vos magasins Uguyane ont entamé une campagne de réduction d'impression et de distribution des catalogues publicitaires. Fini les prospectus qui s'entassent dans vos boîtes aux lettres. Récupérez directement votre catalogue en magasin ou consultez-le sur nos pages Facebook. Pour toujours plus d'offres promotionnelles à prix bas, vos magasins Uguyane s'engagent à utiliser moins de papier pour votre avenir. Commerçant autrement. Volume joint avant. Volume joint avant. Grosse voiture allemande, démarrage, te mets à l'amende devant ta femme. Si je le sens, ils vont détaler. Dans le bendo avec les beaux sur la frappe, ça vole des tours. On débite, ça t'étale. Je veux pas être ami avec eux. Il manque de l'autre, donc moi je suis pas ami avec eux. Hauteur, c'est pas hybride, c'est V12. Mon cheval est gagnant, je veux faire du shopping à V2. On passe tous à la barre, mais aucun nous passe aux aveux. Maintenant ça va, j'encule la vie d'avant. J'ai que moi habit TV, j'la dégomme sur le divan. Et derrière, j'suis devant. T'as une sortie de beau, c'est bon, j'suis plus là. À la vue, 1, 2, j'ai les portes dans le rétro. 3, 4, sortie de poche, je suis dans le bolide allemand. Je vais chercher ma rubis en gros bolide allemand. Non, ça va. J'ai tous les contacts, mais j'ai aussi les bons plafonds. Le beurre à France, j'ai fait tomber le savon. Dans le bendo, plus ça va, plus ça débite et plus ça va. Maintenant ça va, fuck la vie d'avant. J't'allume si on n'arrive pas à négocier. Mes amis, c'est mes rêves. On se comprend avec les yeux. Et embrouille, on y va. C'est mon gun qui va causer. J'ai un cohiba. Elle a mon sperme dans le gosier. Ramène-moi ton boss. C'est pas avec toi que j'veux causer. STM en top tendance. J'suis dans le fer avec ça. Avec ça. Au lit allemand, j'suis cosy. On barre au turbélise. On ramasse ta sœur et ta cousine. J'accélère ça allemand. J'suis dans le bolide allemand. J'suis taillé de ouf. Taillé de ouf. Sortie de poste, c'est bon, j'suis plus là. À la vue, 1, 2, j'ai les portes dans le rétro. 3, 4, sortie de poste, j'suis dans le bolide allemand. J'vais chercher ma baby en gros bolide allemand. Non, ça va. J'ai tous les contacts, mais j'ai aussi les bons plafonds. Le peur en France fait tomber le savon. Dans le bello, plus ça va, plus ça débite et plus ça vend. Maintenant ça va, faut la vie d'avant. Énergie, énergie. Hey. Tous les hits numéro 1. Numéro 1. C'est trop big qui est là. Kai mette kai la otla kai viyo. C'est pas que moi pas mérité femme. C'est femme qui pas qu'à mériter moi. Moi ça vous que fait moi pète ça moi. Pas sous passage bien un homme comme moi. L'autre moi convainc de 60 il pèse pété. Tu fais moi pas les bas et il s'acababé. Je n'ai pas tête tout ça moi même d'avoir c'est un guidon. Moi c'est nouveau fan qui pico changer les relations moi. Yo toujours dit moi pas caché à dans de l'eau à ma boîte. Mais là où t'es de l'eau à soleil là il pas just me. Donc dis moi qui moi qui a pêché moi caché de l'eau. Si il t'est bon maté que continue veiller encore moi. C'est pas que moi pas mérité femme. C'est femme qui pas qu'à mériter moi. C'est pas que moi pas mérité femme. C'est femme qui pas qu'à mériter moi. Check femme là, moi dessine nom li. Il que dit oui, mais c'est compliqué. Check book là, moi dessine femme li. Il que dit oui, mais il qu'a pas tête li. Chaque classe là, yo fait moi c'est un hit. Un soldat pas qu'à faire exil. Les book ta là, il peut se faire yo li. C'est moun ta là, pas qu'à comprendre que. C'est pas que moi pas mérité femme. C'est femme qui pas qu'à mériter moi. C'est pas que moi pas mérité femme. C'est femme qui pas qu'à mériter moi. C'est pas que moi pas mérité femme. C'est femme qui pas qu'à mériter moi. Moi ça vous que fait moi pète ça moi. Pas sous pas ça chez bien non comme moi. Je récupère baby dans le dernier Maybach. Full black et je mange du caviar, dis-moi bon appétit. J'place mon zeille dans des plats juteux comme les Pinky. Même en n'étant pas d'humeur, j'donne le sourire au banquier. S'il aurait pas eu la zigme, m'aurait vite déboulé masqué. J'ai vu son body, j'ai flashé mes comportements. Ouais, encore une fois, j'suis dedans. J'suis dans son cœur, je l'ai hacké. Ne demande pas pourquoi, en dessous la jaquette, j'ai mon Wesson. Une nouvelle journée, un nouveau dossier, et puis on est. Demande à Landy, à bord du vaisseau, que des vrais hommes. On respecte tout le monde, on allume tout le monde, peur de personne. On rêvait changer l'oreille, transac après transac. Comme toi, je voulais fly. Ta baisse en pagaille, je regarde tous les flashs. En pop star, je suis sur la scène, c'est cardio. Je suis jamais où je me sens pas chez moi. Beaucoup de voudraient ma life, or que j'ai moi. Parle, j'ai ce truc sur moi. J'te perds fort, j'te perds fort, j'me bats. J'avais besoin de nos lives, transac après transac. Comme toi, j'voulais fly. La cabesse en bagage, j'regarde tous les flashs. En pop star, j'suis sur la scène. J'ai vu ça, il faisait un sale temps. J'suis resté tout le printemps. Je me suis refait un printemps normal. Arrivage de la République, en face de nous ils sont beaucoup. Pas de cinéma, j'y vais seul, tout j'ai mon eye. On rêvait changer nos lives, transac après transac. Comme toi, je voulais fly. Ta cabesse en bagaille, je regarde tous les flashs. En pop star, je suis sur la scène, c'est cardio. Je suis suis jamais où je me sens pas chez moi. Beaucoup de routes dans ma life, or que j'ai moi. Pas que j'ai ce truc sur moi. J'te perfore, j'te perfore, j'me bats. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. No, you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man a cheapskate, huh? Gotta move off my release day, huh? This is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib. I can never tell it, it is what it is. But said what I had to and did what I did. I never turn my back on FBG, God forbid. But Virgil got the paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dun. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I'd tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good. You know what I mean? Like, 100,000 for the cheapest ring on the finger, little. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain and automata. Ooh, dropped $3 on the rain, called it Bennett truck, little. Ooh, I was in the trap serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh, granted, she was standing right down while I catch play on the brick. Ooh, I made them look go hey while Taliban in this. Ooh, I done been down bad in them trenches, had to ride with that stick. Ooh, who gave you pills, who gave that dust? Pluto sent you on the lick. Ooh, too many convicts, they enrolled me to play in this. Ooh, round about nonsense, get old, so I'm spreading this. Ooh, they had the candlelight lighting it up, anybody could get it. Ooh, I'm on a PJ lining it up, backwood full of sticky. Ooh, I'm trying to tote that Drake or London, and it's extended. Ooh, they got a stretcher, how we gon' die for this? Ooh, yeah, I ride for my d***s, I lied about it. We some poor high class, made it, we rich, yeah. I was at the band though, got a penthouse for a closet. Ooh, it's like a Shando, lit on my neck, my wrist. Ooh, I got pink toes that talk different languages. Ooh, got promethazine in my blood and Percocet. Yeah, 100,000 for the cheapest ring on the finger, little. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain and automata. Ooh, dropped $3 on the rain, called it Bennett truck, little. Ooh, I was in the trap serving cocaine, they ain't been the same since. That's by the time I call him Serena. I go tremendo for new fettuccine. All fat though, claret the pinky. All fat though, we order the Fiji. I'm in the loop with the voo, I'm in the loop with the woo. Which one you working? I put your face to the news. I put the on the shirt. After I murk it, make go shoot up the hearse. Cost me a quarter bird. It's birthday and you a maniac, an alien. How you splurging? Got that kitty cat on, having fun with that. Going Birkin. 100,000 for the cheapest ring on the finger, little. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain and automata. Ooh, dropped $3 on the rain, called it Bennett truck, little. Ooh, I was in the trap serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh, 100,000 for the cheapest ring on the finger, little. 100,000 for the cheapest ring on the finger, little. 100,000 for the cheapest ring on the finger, little. 100,000 for the cheapest ring on the. And you're listening to music only. Energy. My man. Your man. Oh. Je voulais qu'on se marie, mais avec le temps, j'ai compris. J'ai dit, fais ça bien, le fais parce que tu peux. Je connais déjà toutes tes bises, tous les codes. Je te role, bad boy. Si t'es là, c'est parce que je veux. Treat me right. Give me right. Je fais du sale, réveille pas l'animal. Bad boy, ooh, you drive me crazy. Ooh, mais c'est moi qu'elle a grillé. Tu vas céder, car je suis pas ton plan B. To NSC, everything, to machine gun. Moi, ça te dopamine, moi, devine to addiction. To NSC, fallait que je prenne la bonne décision. Bad boy, ooh, you drive me crazy. Ooh, mais c'est moi qui l'a créé. Tu vas céder, gars, je suis pas ton plan B. Vraiment pas de sentiments. Mais avec le temps, y'a des choses qu'on ne sait expliquer. J'ai le cœur découvrir ce nouveau hit énergie. Écoute, c'est le buzz de la semaine. On vous partage ce nouveau hit. Énergie. Fallait pas déconner. Soul King et Gazo. Fais tes bagages, on maîtrise la mélodie qui voyage. Fini l'époque où il fallait esquiver les pétages. Pourtant tu dérapes, je ne répondrai plus à tes messages. Y'a les caméras, bébé, au bout du monde, viens, on se cache. Pour l'instant, je suis là, je fais du sale. Pour l'instant, j'ai fermé mon corazon. Pour l'instant, mais je finirai jamais tout seul à marmer en fait TB. Mais la tête est sur les épaules, je vais pas rester l'éternité. Mais je vais marquer mon époque. Ah ouais, ah ouais. Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé. Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé. J'ai bossé tous les dés, j'dois faire des lovas. J'lève tous les matins pour acheter bijoux à la Mamalova. Ice. Ma grosse m'a pris pour son Casanova. Pour un pigeon, ouais. Elle me dit bébé, s'te plaît, fais-moi rêver. Partir en premier. Une arme de poing, on laisse les lourdes grenier. Faux frérot, je veux plus sur mon palier. Clock, je suis bien accompagné. Je suis avec ceux qui gonflent du sale. L'ennemi voudrait nous voir au sol. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé. Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé. J'ai bossé tout l'été, j'dois faire des lovas. J'lève tous les matins pour acheter bijoux à la Mamalova. Ice. Ma grosse m'a pris pour son Casanova. Et pour un pigeon, ouais. Elle me dit bébé, s'te plaît, fais-moi rêver. Ah ouais. Fallait pas déconner. C'est pas une histoire de Magic System, hein? C'est Soul King. Tu es bon. La Malaïque. Encore un gros hit d'énergie Guyane. If I would dare, day and night put in me a one see, baby. If I would dare, is if I would dare, my see if I would dare. So look on that, I could like one, baby. See them die, yeah. That's a man, I be for sake. Baby, now you now for see, face it. Same shit, them wicked. Yeah, be so you me up, look who you can get it. Look if you're a boy. The camera will see you. Mina puti yanga tasa mameti peki lesi peki kadu sevi sata kine jai ni te peki game day you want te ko noiti ma wala si yo pika you moi wadu sutonga ntangi fi pika mi bela sina yu wambi sapu mina pasi peki li biki yanga wambi eshi faudea day na ipu di my wanshi baby faudea eshi faudea man shi faegwea. So look on attack it like one baby. You gon' die, yeah. That's a man I be for seka. Baby, na fele. I'm here so dati. My lobby so long I didn't go in a key. For the time if you don't hear me. They call you, they kill me. Fibes I sassi, go join in both wati. Ya boy, my God, you sabi. Die, be your sis, I'm a figi. Now I'm some I love you, mommy. Baby, I'm a sis, and I'm a mommy. Damn, this is a bad dog. Come here, I'm a baby. This is Faudea. Day, night, put him in one, see, baby. Faudea. Ma isi faye dweya So nuku na ataki dai kwa baby Si denda yeya Da zama na bifu seka Dewa wani dewa paside Isha fama odo Umusudo Akosom ka imbala timo waka dingi watada usidombo Umusubo Luku ya mdo Baby take give me sayo animo Sama na ode fubali me Amo ite musu teke mfuto Pika you moi Wadu su tonga ntange fi Pika mi bela sina you wan besa pu mina pasi Peki gadu gia nga de gandhi Ishi faudea Day night puri me want you baby Faudea Ishi faudea Ma ishi faudea So lugu na taki dai kwam baby Kidonda yeya Sama na bifu seka Ishi faudea Ishi faudea You're thinking what me thinking But me a go force you for that girl there I would a wine for now Hey girl are you me want Fulfill my dream Come On your knees Slow motion Beat for your heart while in emotion The style where you give me smooth no lotion It make the wave them arise up in a me ocean You know brace from far, you give me the close one And that alone a make the loving so strong Me warm by a ring where value 30,000 Cause you fi be me wife, me fi be your husband Baby, me love the way you whine You put a smile pa me face, ya girl Stick on pa me body, embrace, ya girl Me love when you whine up your waist, ya girl Baby, me never let you go Pimpin' the for you case, ya girl Hold on pa me body, embrace, ya girl Me love when you whine up your waist, ya girl That one your name, pay plus two Just show we brace up like sweet as two Girl, me see you want me and you want you Cause the way you love me tight, they for brace past you And you alone, you say me no say train or two Cause me know you will do anything when he asks you So come on me out, come have me for dinner And in a demanding have me for breakfast too Baby, me love the way you whine You put a smile pa me face, ya girl Stick on pa me body, embrace, ya girl Me love when you whine up your waist, ya girl Baby, me nah go let you go Pimpin' the pa you case, ya girl Hold on pa me body, embrace, ya girl Me love when you whine up your waist, ya girl Pimpin', you're thinking what me thinking But me a go force you for that girl there I would a whine pa nah Hey, girl, are you me want? Fulfill my dream. Come wine up on me. Baby, me love the way you whine. You put a smile pa me face, ya girl. Stick on pa me body, embrace, ya girl. Me love when you whine up your waist, ya girl. Baby, me nah go let you go. Pimpin' the pa you case, ya girl. Hold on pa me body, embrace, ya girl. Me love when you whine up your waist, ya girl. 16h-19h, les animateurs les plus déjantés de Yana font le Big Show sur Énergie. Les plus déjantés, un lundi, c'est un peu compliqué. Le grand retour. On est là, c'est le Big Show jusqu'à 19h et j'espère que ça se passe très bien pour vous. Voilà, jusqu'à 19h avec bien sûr un enchaînement de cadeaux à du hit, à du fun et de... MGX. Et de MGX. Ouais. Voilà. Ça, écoutez bien la voix de MGX. Dis bonjour aux auditeurs MGX. Bonjour les auditeurs. Voilà. Ça, c'est le retour d'un week-end. Ça, c'est quelqu'un qui a crié tout le week-end. Déjà, lundi dernier, elle n'était pas là. Ouais, mais là, c'est problème de santé. Donc, oui, bon, ouais, voilà. Effectivement. Bon, on n'a pas spécifié tout ça. Voilà. C'est les retombées de la Wi-Fi, là. Ouais. Non, si. Même pas. Mais ouais, on va dire ça. Enfin bref. Voilà. Et là, t'as passé un bon week-end, MGX. Ouais, ça va, c'était cool. C'était mal organisé, mais c'était cool. Ah, mal organisé. Ouais. Ok, bon, d'accord. Voilà. Ouais, ok. La vie d'MJX. En tout cas, on est sur Énergie Guyane. On enchaîne toujours, comme d'habitude, au 35-36 à 0-1. Allez, cadeau. Le jackpot qui t'emmène à n'importe quel moment entre deux titres. À toi de jouer, hein, franchement. Et là, il y a que du fun. Et en ce moment, on a toujours des pizzas. On a toujours du zéro. Latency, on t'envoie également voir Barbie si ça n'a toujours pas été fait. Oui, moi j'ai été le voir. Et t'étais en rose. J'étais en rose. Avec ta team. Et yes. Et c'était bien ou pas? Et franchement, c'est... faites-le. Si vous pouvez le faire, si vous avez une petite team là, et puis vous pouvez vous habiller en rose et aller voir Barbie, franchement, c'est trop fun à faire. Vous rigolez et tout, c'est trop bien. Je m'habille en jaune, moi. Pour faire quoi? Tu vas pas voir Piu Piu le Poussin? Bah si, Piu Piu le Poussin au cinéma. C'est mieux que Barbie, je suis sûr. Oh, n'importe quoi. Allez, comme d'habitude dans la première partie d'émission, il y a toujours des gros classiques. Et on envoie du lourd dans le prochain quart d'heure. Je te rappelle, 35-36-0, on t'attend également en message privé sur Énergie. Ça, c'est tout moi. Si je peux avoir un forfait mobile avec internet encore plus rapide, je fonce. J'en connais un qui va adorer les nouveaux forfaits 5G de SFR. À 2000%, un débit plus puissant pour pouvoir jouer en ligne de façon ultra fluide, c'est top. Eh ben, ça promet. Ouais, grâce à la 5G chez SFR, je vais devenir un gamer de légende. Ou sinon, tu perdras de façon plus fluide. Mais oh, ça va. Top départ avec SFR. Profitez maintenant de la 5G en Guyane. SFR, soyez vous. Réseau 5G en cours de déploiement avec offre et terminal compatible. Détail et couverture. Le Tour de Guyane, c'est à vivre avec la CCOG du 19 au 27 août. Deux étapes à Saint-Laurent et à Mana les 22 et 23 août. Stand, goodies, animation, info pratique. Nos agents seront là pour vous accueillir. La CCOG, partenaire sportif du Tour de Guyane, avec le maillot rouge qui récompense le meilleur sprinter des points chauds sur chaque étape. Soyez présents pour encourager les coureurs avec la CCOG. Plus d'infos sur les réseaux sociaux Ouest Guyane. Cet été, profitez de votre piscine et des plaisirs de l'eau. Vos magasins Sun Piscine et Boss Piscine vous aident à entretenir et équiper votre piscine. 10% de remise vous est offert sur tout le magasin. Des prix canons vous attendent, comme l'hypochlorite de calcium HTH à seulement 55 euros. Offre valable jusqu'au 31 août dans votre magasin Sun Piscine, 15 rue des Scarabées, zone industrielle Collerie Ouest à Cayenne, et Boss Piscine Everblue, carrefour du Larivaux, ZI Terka à Matoury. Voir conditions en magasin. Qu'est-ce que tu bois? Le nouveau jus Caresse Guyanaise Tropical Green. Caresse Guyanaise Tropical Green? Mais oui, on m'a dit qu'il était délicieux. Tu peux le dire. Un cocktail de fruits gorgé de soleil avec de l'eau de coco, c'est bon et très rafraîchissant. Et alors, tu me le fais goûter ce nouveau jus Caresse Guyanaise Tropical Green? Oups, j'ai tout bu. Mais ouvre le réfrigérateur, il y en a un autre. C'est trop bon. Ah, Caresse Guyanaise, à s'annuler. Les passagers à destination des petits prix sont priés de se rendre au Leader Price le plus proche. Pour ces vacances, ne cherchez plus. Partez destination Leader Price pour profiter des prix incroyables du moment. Du 2 au 13 août 2023, les Yop 250 grammes origine Guyane sont à seulement 1,18€, soit 4,72€ le litre. Oui, 1,18€ le Yop de 250 grammes. Leader Price, le moins cher. Pour votre santé, bougez plus. C'est le retour des soirées tapis rouges. L'incontournable rendez-vous chic et champagne de vos vacances. Dès le 6 juillet, retrouvez tous les jeudis l'équipe de Première Classe Production, Original Low, DJ Lucas et tous leurs invités pour une nouvelle saison Moonlight Discothèque avec plus d'happy hours, plus de surprises et de cadeaux. Les soirées tapis rouges du jeudi 6 juillet au jeudi 31 août. Entrée sur invitation uniquement et tenue de soirée exigée. Info line 06 94 93 23 26 06 94 92 84 04 avec la participation de Énergie Guyane, Digicel Montjoly 2 et les Champagnes Moët et Chandon. Envie d'évasion Brésil. Avec Avas Voyage, envolez-vous pour Belém. Belém, c'est le shopping, le marché de Vero Pesso, les Turas Carias, les docks et bien d'autres choses encore. Avec Avas Voyage, votre billet Cayenne Belém est à partir de 399 euros. Réservez vite pour bénéficier de ce tarif exceptionnel. À vous le Brésil avec Avas Voyage. N'attendez plus et venez découvrir nos différents séjours dans vos agences Avas Voyage. Ou appelez dès maintenant au 0810 888 973. Tarif sous réserve de disponibilité, voire date et conditions d'agence. Possibilité de règlement 2, 3, 5 et même 10 fois avec la carte Avas Voyage. Demandez-la, elle est gratuite. Avas Voyage, initiateur de bonheur. La ville de Saint-Laurent-du-Maroni remercie l'ensemble de ses sponsors. La CCOG, Digicel, UCAR, Dilo Guyane, Super U, KFC, MacDill, Transport Rhino, Auditeur Associé, SEHTG, École de Conduite Guyanaise, Carrefour, Outre-mer Trans, West Ambulance, West Events, Nofrayan, Sodim, Moniv SA, GTI, Guyaloc, GTLEC, Sogea, Nord-Ouest Béton, 3H, Rome Saint-Maurice, Numéricom, Manhattan Boutique, Manhattan Sport, But, ATC Caribbean, West Guyane, Diadom, STRG, Lilo Gonflable de l'Ouest, MTI, Sani Rapide, Guyane Automobile, Quick Auto Service, Gladiator Fit, 2.0 Soleil, OSL Immobilier, RL Prod Événementiel, West Collect Environnement, West Fleur, West Transport, King Mobile, Container Plus, Saint-Samar Espace Closel, Logistic World, GLS, Blessing Closed, Radio Pays et Cam Radio. Vivez une expérience de réalité virtuelle incroyable à Zero Latency. Immergez-vous dans l'univers de Far Cry, d'une attaque de zombies et bien d'autres. Zero Latency, c'est la réalité virtuelle en itinérance libre. Déplacez-vous comme vous le souhaitez, explorez librement pour encore plus de fun et de frissons. À partir de 10 ans, une expérience que vous pourrez vivre seul ou la partager en famille ou entre amis. Est possible de privatiser l'espace pour votre anniversaire, team building, enterrement de vie de jeune fille ou de garçon. Retrouvez le centre Zero Latency à Matoury. Inscription uniquement en ligne sur zerolatency.fr et pour toute information, 0694 44 18 00. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. De quelles pièces avez-vous besoin pour votre auto ou pour vos engins de chantier? Des flexibles hydrauliques? Ça tombe bien, ils sont en promo chez Gequip. Alors venez vous équiper. En août, Gequip vous offre 30% de remise sur tous les flexibles hydrauliques. Gequip, c'est votre spécialiste auto pour particuliers et professionnels en Guyane. Route de Rabanne, lotissement Canabé à Cabassou. Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30. 7h30 en continu et le samedi de 8h à 12h. J'équipe. J'équipe. Picture MJ on the sheet, thriller, funny vibes every night. fais un paquet, un paquet, un paquet. Te coupe le divers, le divers, le divers. Tu le full set, on t'en met un gadget. Le bain, on va danser, on va danser. Oh yes, ma bébé, oh yes. Oh yes, ma bébé, oh yes. Il faut rire, c'est comme un don, périon. Arrête, mec, divers, divers, divers. Fais un paquet, un paquet, un paquet. Te coupe le divers, le divers, le divers. Tu le full set, on t'en met un gadget. Le bain, on va danser, on va danser. Oh yes, ma bébé, oh yes. Oh yes, ma bébé, oh yes. Il faut rire, c'est comme un don, périon. Arrête, mec, divers, divers, divers. Ou fais-moi frissonner, chérie, ma vie doudou. Kiriba, chérie, femme voyée, chérie, oh, dégage, chérie, femme volée. Nous sommes dans la tête, ouais, la tête, ouais, nous sommes dans la tête. Condo, s'il vous plaît. Centimka. Seize heures, 19h. 16h, 19h. Le Big Show est sur Énergie. Énergie Guyane, le Big Show jusqu'à 19h. Et comment ça se passe pour vous en ce lundi? On salue tous les vacanciers qui sont bien connectés et surtout bien branchés les différentes fréquences de Cayenne jusqu'à Saint-Laurent ou encore sur energyguyane.fm ou l'application téléchargeable bien sûr pour mobile et de manière gratuite. Voilà, tout simplement. Histoire d'avoir la radio partout. Tant qu'il y a internet, t'as la radio et t'entends bien sûr tes animateurs préférés. Ton week-end s'est bien passé, tu as fait quoi? T'as été à la plage, t'as été au festival, t'es resté posé à la maison, dis-nous tout. Et si tu veux partager tes meilleures photos, il n'y a pas de problème. Hein. On partage tout ça sur à l'Instagram d'Énergie Guyane. Et bien sûr, la meilleure photo, il y aura des récompenses, bien évidemment. Il y a toujours des cadeaux à gagner sur Énergie Guyane. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Allez, là, tout de suite, on va se faire plaisir avec Tchakula. Ce Meouda, c'est sur Énergie Guyane. Attendez, faire doucement. On va les attendre sans menacer. Oh. Le sable tombe, recommencer, c'est mort. Y'a que Dieu que j'adore. Un selfie et je rigole. Je veux pas être ton idole, mais ton inspiration. Mais sache-le qu'un dernier message, qu'un dernier message peut t'enlever la vie. Je suis dans Paname. Y'a pas de distraction, et pas d'histoire, sort. Ici y'a 10 heures, ça prend la baie de Médor. C'est l'heure des gérants, y'a des armes de poing et des fusils d'assaut. Ça pose des bangers d'un meurtre, un coup de fil pour faire un meurtre. Ils savent qu'on est prêt pour un meurtre. Oh, besoin de personne pour nous aider. Besoin de personne pour nous aider. C'est pas avec la force qu'on va céder. On a quitté la table, ils ont fait des enquêtes, on a fait des jaloux. Laisse-moi me taper des barres quand j'entends qu'ils disent l'avenir est à nous. On a vidé des sacs, ils ont vidé leurs poches, on a repris le Glock. Avant d'être une restaurant, avant d'être la mélo, je suis un enfant du bloc. Ici on se promène pas deux fois, écoute bien, on se répète pas deux fois. Sur le terrain j'ai marqué deux fois, au studio je fais plus de devoirs. M'apprends rien, je connais mes devoirs, j'ai tout vu avant de recevoir. Logique, je peux pas vous décevoir. Hey, je suis dans Paname, y'a pas de distraction. Fais pas d'histoire, sort. Ici y'a 10 heures, ça vend la baie de Médor. C'est l'heure des gérants. Y'a des armes de poing et des fusils d'assaut. Ça pose des bangers d'un meurtre. Un coup de fil pour faire un meurtre. Ils savent qu'on est prêt pour un meurtre. Oh, besoin de personne pour nous aider. Besoin de personne pour nous aider. C'est pas avec la force qu'on va céder. On vit, on dort la noche, parfois on est dans le mal, mais y'a plus Dieu pour nous sauver. Pas le temps pour les regrets, y'a pas de retour en arrière, le passé c'est le passé. Elle est venue pour wind up avec Paris, elle a posé son fun d'air de l'envie. La date même pour la veste, un espace, sur une planète, j'te ramène là. It's not my fault. La musicale la plus badass du 973. Yeah, Nicole, I'm gonna love this, you know. Pool party. If I even the beach, me a beach. A summertime. Hey, every man say, if you come along, go for your sun tan in the summer sun. If you want bleach, go back home. Go for your umbrella, got the sun about. The young girl, them a bring it on. In a bikini, them in a pretty tongue. You know, for shy girl, bring it come. If you have a fool, fool man, get it on. Boat more may come from, you know. Pretty girl does a pose like Tommy, you know. And the tongues, them a rub them down, you know. In a the shade with street vibes from, you know. Uptown full of fun, you know. Nago. ATI, we are going on, you know. Cherry Garden. Dream Weekend coming, you know. On. Winsboro, Jackson. Smush, I got done, you know. The shade. Temperature turn up. White tea a tan till skin burn up. Black gal a rub till vein come up. Tattoo time coloring book turn up. Man a roll out bicycle bike you no see. Man a roll out car and the truck and the jeep. You walk foot talks them strolling up. Grab a gal body and start rolling. The party them going all night long. Light through the day. Me just see a pretty thing gone with the Nero and TJ. Oh, they see the mula, we don't spray out. Thank God, said the maga don't pay out. Okay, see, I'm ahead of them, I she what you. I'm a fucking baller, you got only me. No man fi talk shit to me. Me know me, you go collect oh. See, I'm on a me daily, that she what you. I'm a fucking baller, you got only me. No man fi talk shit to me. Me know me, you go collect oh. Chase to my friends and click. When I call them, I all pulling up. We strapped up with the guns and the swords and things. Bring hell to anybody who try to test me. I'm your dad, I'm your uncle, I'm your popsy. I be old man, no go, they call me Gen Z. Bread I see, steady giving them gap. Multi lover, they can never near me. I smile up a lover, just go. My own boy wife, don't show. I'm on my polo white, my face show. Sweet boy for life, you don't know. You're serious, babe, they worry my phone. And this up for back, you don't know. Every day we dey run a monk or supposed to know how the thing go. Man get united till I fade out. If the vibe no pure on my way out. Pull a balloon, anytime we step out. Make him end them outside, we know theirs. No, they look for us, we know theirs. So they see the mula, we don't spray out. Thank God, said the maga don't pay out. Okay, see, I'm ahead of them, I she what you. I'm a fucking baller, you got only me. No man fi talk shit to me, you know me, you go collect oh. See, I'm on a me, the leader, she what you. I'm a fucking baller, you got only me. No man fi talk shit to me, you know me, you go collect oh. I'm on a different steez. Singlet belt and ripped out jeans. Man to as I know if you lose that cheese. Oluwa thunder my body with blessings. When you leave that team. When I say kukuru kukuk that team. Who dey check a moya look that team. Face white, yash black, I rebuke that team. Make nobody try stress me, I know be JJC. I don't know if you get it on a top rating. Affiliate with the best team. You won't race me, we know they do the same thing. Can I no be just key, I'ma you stay waiting, no go easy me less. I'ma you go chop creeping, I do it diligently. Won't let me, only by me. Man getting high till I fade out. Give the vibe no pure on my way out. Pull up a loop, anytime we stay about. The men them outside, we know they ask. No they look for us, we know they ask. No they see the mula, we don't spray out. Thank God, said the maga don't pay out. Okay, man getting high till I fade out. Give the vibe no pure on my way out. Pull up a loop, anytime we stay about. The men them outside, we know they ask. No they look for us, we know they ask. No they see the mula, we don't spray out. Thank God, said the maga don't pay out. Okay, oh. Energy. Pas compliqué, mais vas-y, là c'est mélangé. Faut pas te fâcher parce que je te dis la vérité. Tu m'as fait du mal, il fallait juste te rattraper. Mais le temps était coupé. Là y'a un bémol. Entre nous deux y'a un bémol. Tu peux pas me mélanger à tes groupes qui me mélangent. Je me dis comment tu parles, bébé. Il faut te calmer, c'est que toi mon bébé. C'est pas comme ça, faut te calmer un peu. Il faut croire en moi. Daddy m'a dit aïe aïe, tu m'écoutes, tu m'écoutes pas. Mais Daddy, toi aussi tu m'écoutes pas. Pourtant c'est nécessaire, nécessaire. Ouais, nous deux c'est nécessaire, nécessaire. Bébé veut se gamer, bébé veut tout mélanger, mes sentiments sont dérangés. Elle m'a dit temps écoulé, j'ai des litres à faire écouler. Je sais pas si elle me prend pour un coyon, j'ai tout donné, je me sens couillé. En vrai toi t'aimais que mon papier. T'oublie vite les bails, dis-moi si je dois te les rappeler. En vrai viens on arrête, c'est bon, ma fierté m'a appelé. Non, toi tu m'as bloqué sur toutes les applis. Laisse. Mais dis comment tu parles bébé. Il faut te calmer, c'est que toi mon bébé. C'est pas comme ça, faut te calmer un peu. Il faut croire en moi. Daddy m'a dit aïe aïe, tu m'écoutes. Mais Daddy, toi aussi tu m'écoutes pas. Conseil de mes copines, tu me rends fragile. Oh, écoute pas tes copines, on a trop parlé, maintenant faut qu'on agisse. Tout d'un coup, je suis nostalgique, je repense au début, ça me rend fragile. Il me dit comment tu parles, bébé. Il faut te calmer, c'est que toi, mon bébé. C'est pas comme ça, faut te calmer un peu. Il faut croire en moi. Daddy. Daddy, aïe aïe, tu m'écoutes, tu m'écoutes pas. Mais Daddy, toi aussi tu m'écoutes pas. Pourtant c'est nécessaire, nécessaire. Ouais, nous deux c'est nécessaire, nécessaire. Daddy m'a dit aïe aïe, tu m'écoutes pas. mais toi aussi tu m'écoutes. Hit music, hit music. La ville de Saint-Laurent-du-Maroni vous invite à participer nombreux à sa grande fête patronale. Le thème cette année, ma ville, mon patrimoine. Ma ville, mon patrimoine. Avec au programme des soirées culturelles, l'élection de la Miss et du Mister Saint-Laurent-du-Maroni, l'élection de Miss Ronde et de Mister Rond de Saint-Laurent-du-Maroni, des balles populaires, Couricolore Maroni, des jeux et animations sportives. Ma ville, mon patrimoine. Donc, à vos agendas et rendez-vous du jeudi 10 au dimanche 13 août 2023. Toute la population guyanaise est conviée à la grande fête de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Tu as goûté Orangina ? C'est incroyable ! Non, pas encore. Qu'est-ce qui le rend si spécial ? C'est la boisson qui pétille de bonheur. Tu sens la vraie pulpe d'orange à chaque gorgée. Je vais essayer ça tout de suite. Orangina, la boisson qui pétille de vitalité avec sa véritable pulpe d'orange. Secouer, déguster et savourer un moment de pur bonheur. Orangina, fraîchement secoué. Pour votre santé, bougez plus. Comment ? Vous n'avez pas encore téléchargé l'application Carrefour Matoury et Contact ? Grâce à elle, vous pouvez adhérer au programme de fidélité Mon Club. Et ça change tout. Vous cumulez des euros en smart cash sur votre application à chaque passage en caisse. Depuis votre smartphone, vous retrouvez vos catalogues et actualités des magasins, consultez vos tickets de caisse et donnez votre avis pour faire évoluer vos magasins. Alors, pour bénéficier de tous ces avantages, n'attendez plus et téléchargez vite l'application Carrefour Matoury et Contact. Oui, mais moi, ce que je trouve génial au sein du couple, c'est l'indépendance. T'imagines ? T'as pas besoin de te prendre la tête pour caler tes horaires sur ceux de ton mari, tes déplacements sur ceux de ta femme. Bref, un couple qui a pris en seconde voiture une Renault Clio à 299 € par mois, quoi. Exactement. Waouh ! On est vraiment fait l'un pour l'autre, chérie. Renault Clio à partir de 299 € par mois avec 4 ans de garantie et d'entretien inclus grâce à l'offre Tech & Go. Le compromis charmant est encore accessible. Mais pas pour longtemps. Alors profitez-en chez Renault by Guyane Automobile, Matoury, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. Uniquement. LLD de 49 mois, premier loyer de 1 000 €. Réserve aux particuliers. Pensez à covoiturer. Il y a du nouveau en Guyane. Abbé Fosse lance sa campagne Assainissement pour tous avec la fosse septique renforcée EPureBloc. Solide et testée par des professionnels, elle sera adaptée à vos projets de construction et de rénovation. La fosse septique EPureBloc est en promotion à partir de 800 €. Abbé Fosse, c'est aussi les microstations en polyester sans épandage à partir de 5 200 €, les bacs à graisse à partir de 200 € et les pompes de relevage à partir de 99 €. Dès maintenant, prenez rendez-vous chez nous pour vos vidanges et entretiens de fosse septique au 1035 à Route de Baduel à Cayenne ou par téléphone au 06 94 23 40 40. Bello Paso, c'est une boutique en ligne ainsi que 150 mètres carrés au centre commercial Carrefour Matoury. Bello Paso, ce sont des chaussures en cuir, tout comme leurs semelles intérieures ainsi que les doublures. Mesdames, Bello Paso, c'est un choix impressionnant de modèles classiques ou atypiques, de couleurs sobres ou lumineuses. Messieurs, Bello Paso, c'est une sélection des meilleurs cuirs, des coutures impeccables et un confort sans faille. Nous sommes pressés de vous accueillir en boutique ou de préparer vos commandes en ligne. Livrez le jour même avec Allogé Frais sur l'île de Cayenne ou le lendemain avec Chrono. Rendez-vous sur bello-passo.com et laissez-vous guider. Bello Passo au pied, succès assuré. Les prix sont toujours en vacances chez Ecomax. Les hauts de cuisse surgelés, le sachet de 2,5 kg, origine Danemark, est à 6,69 €, soit 2,68 € le kilo. N'attendez pas pour en profiter, on vous attend chez Ecomax. Offre valable jusqu'au 13 août. Ecomax, plus bas, y a pas. Bientôt les grandes vacances au pays. La ville de Cayenne et ses partenaires vous proposent un programme riche et varié du 8 juillet au 12 août. Podium Vacances, Cayenne Beach Village, Cayenne Garden Vacances, Journée internationale de la jeunesse, mais aussi ateliers pays, visites guidées et découvertes des îles. De nombreuses activités culturelles et sportives au sein des quartiers. Cayenne Piscine Quartier, initiation au parcours, ateliers, jeux, de quoi remplir votre agenda des vacances. Plus d'infos au 05 94 25 21 91. Go, go, go, you go. Sonia loue une grande berline tout confort, climatisée bien sûr, pour la virer en famille avec les enfants. Thomas, lui, prévoit de réserver une petite citadine ultra pratique pour ses déplacements professionnels. Avec You Go, à chacun sa formule. Tout le monde trouve son bonheur parmi la flotte de véhicules à la location. Retrouvez votre agence You Go, 2434 route de Baduel à Cayenne, en face du chemin Saint-Antoine. Go, go, go, You Go. Avec Conforama, positivez, profitez de nombreuses idées pour aménager votre maison. Salon, salle à manger, chambre à coucher, petit et grand électroménager. Par ici, les bons plans au meilleur prix. Besoin de conseils pour la réalisation de votre cuisine ou dressing sur mesure? C'est simple, prenez rendez-vous. Conforama vous accompagne et vous facilite la vie avec le paiement de vos achats en 3, 5 ou 10 fois. Un grand parking de stationnement et des horaires d'ouverture adaptés à vos besoins. 9h-18h en journée continue, du lundi au samedi. À très vite chez Confo. Conforama, Cayenne, Saint-Laurent. Machine them no van ready. J'suis peut-être pauvre mais j'suis béni. J'suis pas comme ceux qui m'envient. J'marche sur le feu comme un boni. Last night, yo di, yo sa to friend. Tout ça passé weke comme y'en baba to kadel. Mais si ton flat hier a bougé, yo j'isparé di moun yo pas connecto. Yo mo gen girl, mo gen cash la yo tête chaud. Yo a bato fix Mike et les fake love. Depuis yo tank tonon yo pas sa de poto. Ha, l'auto bise y pa gen roun, friend dem. Pa gen plié, pa gen girl dem. Sans bail que ni tout gain problème, j'y ça va pas. Yo l'aimerait t'es assis, que yo fait débat. Mais je suis resté fort. Moi, believe mon gonde. Just to dream, mais ton gonde, ton self friend. Believe on ton chat, ton l'esprit. Hey, ça qu'a tué mon que c'est mon temps, yo qu'a mal parlé, yo les vini check. Pas que tout le monde toque fait, je just check, beto bouge pas ça dangereux. Bah, j'ai dit yo, j'en fais plein pour mon délire. Yeah. Y'a pas tes pensées, mais t'es qu'est plié. Chante là, y'a les fêtes, fêtes, quelqu'un de vrai. Y'a plus mal qui cochon, y'a craché, y'a soucié. Maintenant, y'a les mots, prends et qu'est-ce. Si y'a t'es payé, t'es qu'est fier. Si t'en descends, la fin tombe et prison. Oh, oh, oh. a fa gen gal de. Sa bay ke ni to gen problem, ji sa va pa. Yo le mrete ya sis ke yo fe débat. Donc je suis resté fort. Mra believe mon gonde. Just to ji me to gun to self free. Believe on to chat to l'esprit. None of them no bad like me. Me bad me have to make it in stop. So what do them? Bless up this side to do Benny. I don't care get last just move for money. Them want stop me food car. No for them a class and evil. I ain't told this you know I shoot people. So what do them? A chain party dito eh. Fait toi tête tout ne a pas mon bise. Il va gagner un friend them. Bagay prier bagay galde. So make it dito de problem G ça va pas. Yo le mrete ya sis que yo fait débat. Mais je suis resté fort. Mra believe mon gonde. Just to dream et to gonde to self way. Believe on to chat to l'esprit. Hey, hey. Machine dem no van ready. J'ai peut-être pauvre mais j'suis béni. J'suis pas comme ceux qui m'envient. Marche sur le feu comme un body last night. Yo dit no ça te pleure. Tout ça passe ouais qui combien baba ton cadet. Mais si ton flat hier a bougé. Yo j'espère que dit mon yo pas connaître tout. L'homme au gang girl, mon gang cash là yo tête chaud. Et les bambo fix, my kill est fake love. Depuis ton tac, mon auto passe un poto. Passe un poto. L'auto bise, y pas gang run, friend them. Pas gang pièce, pas gang girl them. Sabay que ni to gang problème, j'y sarabay. Yo l'aimerais te assis que yo fait débat. Mais je suis resté fort. I believe mon côté. Top a ranking, pump big shit rhythm. Right now, me no mad bout it, but right now, me no ignorant bout it, but how can you not rape who come before you? You go like a you come boy, you come come make music big. Take them and dance, who supposed to respect the elders, but they don't. And I go on like a you are the man, and you are the man, and God are the man. None of them no bad like Shabba ranking. None of them no tough like the ranking. No. None of them. Stop the one they are asking. If you no imitate the great Shabba ranking. Who can stop the one they are asking? If you no imitate the great Shabba ranking. See the fool they asking. If you no imitate the ranking. The vibes I bring, the big song that I sing. Must inspire and motivate him. Big vibes bunking from big ship rhythm. From come boom back to goalie banking. Shabba ranks at the top of top ranking. So on the number that I did shoot us put the facts in the gang of H2O. I'm in the oxygen. Dance a lizard come up in the jewel and gym. Tell them send me supply the word for the him. Don't get it twisted how I fool him. 30 years deep and still a rolling. None of them no one like Shabba ranking. None of them. None of them not up like the ranking. No. None of them. Stop the one they are asking. If you not imitate the great Shabba ranking. Who no can stop the fool they are asking. If you not imitate the great Shabba ranking. Cause them a brag and boast and is a shame. And them no had up to what them proclaim. With them little house, them little car, them little chain. Them baby name and none of them no better than baby Wayne. With him around me mad now me inhumane. How many more can this man explain? That you cannot treat them and Shabba ranks the same. Cause when it come to music it's not fun and game. Oh no, big one like who no want ignore me. And I boats up who don't come before me. Take it from the foundation, build it a couple of story. Check us a vacuum, adore me. God get the higher praise and all of the glory. Respect the foundation who come before me. Colonel Josie, Brigadier Jerry. Yellow man to this man is legendary. None of them no bad like Shabba ranking. None of them not up like the ranking. No. None of them. Stop the one they are asking. If you not imitate the great Shabba ranking. Who no can stop the fool they are asking. If you not imitate the great Shabba ranking. Get them and dance. Who supposed to respect the elders but they don't. And I go on like how you are the man. And you are the man, and God are the man. None of them no bad like Shabba ranking. None of them no tough like the ranking. No. Ship rhythm, big vibes, bunking from big ship rhythm. Big ship rhythm, big vibes, bunking from big ship rhythm. Envie de prendre du bon temps? Vraiment du bon temps? Une seule solution. N'écoute surtout pas les autres radios. De toute façon, elles sont déjà à l'écoute d'énergie. Aya Nakamura. énergie. Hit music only. Toi là, toi tu veux tout. Sans rien dire pour moi, c'est chelou. J'sais pas trop ce que t'attends de moi. Hey, il veut que j'fasse sa nana. Me faire des mini moi. J'ai senti ce que t'attends de moi. Moi aussi, j'suis dans celle-là. Là. J'ai senti de loin sans mentir. On peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Il veut câlin partout, partout. Veut chier tout, partout, partout. Affection et tout. Entre nous, c'est trop d'or. Parce que je suis ça. Baby, veut devenir mon daddy. Hey, baby, veut devenir mon daddy. Y'a comme un truc qui me dérange. Tes manières qui m'ont mélangé. Y'a comme un truc qui me dérange. De tout ça, j'ai pas l'habitude. Avec moi, tu peux te balader. Mais je sais que t'as trop kiffé. C'est pas facile, mais faut pas lâcher. Il faut que tu me parles. J'ai senti de loin sans mentir. On peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Il veut câlin partout, partout. Veut chier tout, partout, partout. Affection et tout, et tout. Entre nous, c'est trop d'or. Parce que je suis ça, baby, veux devenir mon daddy. Hey, baby, veux devenir mon daddy. Toi là, toi tu veux tout. Sans rien dire pour moi, c'est chelou. J'sais pas trop ce que t'attends de moi. Hey, il veut câlin partout, partout. Veux chier tout, partout, partout. Affection et tout, et tout. Entre nous, c'est trop d'or. Parce que je suis ça, baby, veux devenir. Big Show et un enchaînement de hits. Kiss Daniel, Crazy Wawa, Jay Liking, c'est sur Énergie Guyane. It's music only. Énergie. Depuis trois jours, mon racalto. T'as pas qu'à répondre, t'as fond, t'as rabluff, Joe. Posa, mais c'est pas l'ivet qu'à bluff, non. Il t'a qu'à craser Rounbet, te connaître. Show! Assez raconté, radotto. Trois jours, mon racalmi, si, t'as ralafto. Mais non, t'as pas c'est ton frère qui bluff, to. Ah ouais, moi pas c'est mes qui bluff, là. Yo, G, fais-moi dire ça qui fait. Ouais. Moi, t'es descendu au fond bloc à pour gérer mon bête. Ouais. Moi, bité que des dax nous cognent combien mon wet. Ouais. À peine me lever, mon tête nous attire pidec. Yeah. Nous comptons alcool, forme, qui l'a fait. Ouais. Ça ramaille, Guyane qui l'a, c'est pas vrai. T'as pas qu'à changer, oh, yeah, mon frère, ton tête plein. Si sous tête plein, mon frère sous tête plein. Yo, ouais, toi que Samantha, ça l'a dit, mon joli. Qui Samantha, ça? Il gagne chivé couli. Son frère Reggie, man, il qu'a vendu Cali. Ah, ça fait ma, moselle fraîche, womi. Pas dit nous, mon frère, t'as la gué nous pour Pounani. Jamais, nous avons ni avant Pounani. Ah, ça m'aura tout, la gué moni, pas gué drami. Nos cafés y'en grand, que femme nous pas café zombie. Yo, G, fais-moi dire ça qui fait. Ouais. Moi, t'es descendu au fond bloc à pour gérer mon bête. Ouais. Moi, bité que des dax nous cognent combien mon wet. Ouais. À peine me lever, mon tête nous attire pidec. Yeah. Nous comptons alcool, forme, qui l'a fait. Ouais. Ça ramaille, Guyane qui l'a, c'est pas vrai. T'as pas qu'à changer, oh yeah, mon frère, ton tête plein. Si sous tête plein, mon frère sous tête plein.

même si on veut pas. Dès que l'on pardonne, on n'oublie pas. You can love me, love it, you can love me. C'était tout, je sais, tu peux pas m'oublier. You can love me, love it, you can love me. C'était tout. Je pense à toi souvent. You can love me, love it, you can love me. Je peux pas me faire. You can love me, love it, you can love me. Je pense à toi souvent. La nuit, je dis bon. L'émission 100% interdite au coin si du c*** et sur Énergie. Ah ben, y a vraiment pas de coin c'est du cul. Et ça, c'est tous les après-midi sur Énergie Guyane, toujours avec MGX. Est-ce qu'elle a récupéré un petit peu? Oui. Oui. Est-ce que tu connais la musique qui fait en ex et en ex? Ex c'est tout. Ça, oui, oui. Voilà, bien voilà. Sûr. Voilà, qui ne connaît pas ce... qui ne connaît pas ça? Je cherche mes mots. Ouais, ouais, attends, retrouve-les, tes mots. T'inquiète pas. En tout cas, il y a des cadeaux. Et on va faire un petit truc là. Ouais, ouais, ouais, on est bien sympa. Il y a le jackpot qui tombe à n'importe quel moment. Bah, tu sais quoi, j'ai envie de le faire tomber maintenant. Le jackpot. Et ça, c'est le temps d'un titre. T'appelles au 05 94 35 36 01. Young Boss, Do It Big. C'est tout de suite sur Énergie Guyane. Yeah. Yo, yo. Yo, yo, yo, yo. Hey. Yeah, yeah. Yo, dum dum. Sanya fuente, no ama wani pina sa. Samoni fu kalibi angalika. Poti mi manya pensange urei baka finga. Abi monya shuti sani. Masuku pisi bita. Some sa pure o ma cash de go fair tapade. Sawe su kwa foko abi my go sok tama de demo fena tien ke clip. Te de fake fen ya so pi back ye pi janga se. Ma kodi bi anga de afo shipina. Enge feshi anga baiba. Epina yam ke. But when he dey, she done so mad, then I stop it. And they take a loud now, I'm mad, then I stop you. She got to Nike, no, it's a fool, so full, full, can. Attack you, beggy, die, walk, and I can't fuss, can. That chai fi fuss, can. Then I can't fuss, can. We make a moi chai tanga. Wanna leave you, mutang. Wam de de de. Facing like you, I go it. Suicide, I know, I get it. We look on my water, get it. Look on my ass, be called, I say, get it. Taki, yes, it's a day. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. This is now a hustler, the night veil, for soto. Betem de jamati, dame gay coco. Really full by drip, get do you bow or so. Sabi them daughters, now up on me go. Babe, mad I could, takim na be thing. Big smile for madre, I get that TV a thing. Struggle na me real life, all I got a day. Hustle now a way out, can't die in me days.